Arc-en-ciel, un amour de FM. Je n'ai Dieu pour ma famille. Ça fait des années, Coco Chanel, Louis Vuitton. J'arrive comme un coup d'état. Monnaie, je dois faire everything. Pour toi, je serai obligé. Oh non, non, non, non, non. J'arrive comme un coup que t'es jolie madame, mais t'auras pas mon cœur. Ton corps est aussi beau que l'âme. T'es mi amore, ma complice, ma poto. Et si je béton, tu cacheras le butin. Tu regarderas les mythos, le héros des poules. Tu veux ma vie, essaye encore. Sacré des yeux, t'es meurtre, j'en dis, tu t'es un sort. À toi mon bébé, à toi ma future femme. Y'aura des trucs à respecter. Si tu veux qu'on y aille, je... Il a perdu ses mots, la banque il a fermé ne pourra plus s'ouvrir. Passé de 30 minutes. minutes, voilà, donc il est 41 minutes, voilà, donc bienvenue à vous tous, et vous prenez l'écoute. Juste un instant, on a pu entendre un medley avec toutes les chansons qu'on écoute depuis 2010 jusqu'à maintenant. Voilà donc, et bien aussi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une très bonne matinée. Nous sommes ensemble pendant quelques heures avec les chansons différentes. Voilà donc, on va débuter l'émission avec Alexandrie, Alexandra, avec tout simplement Claude François, et puis suivi de l'été indien, Jonathan. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tous les nids si tu ne me retiens pas. Je boirai tous les nids si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes bras. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Peace.

la poitrine coule des rivières. Mais je me préfère en solitaire. Je roule mon caillou dans mon gant. C'est l'empiment, mon élément. Je suis la roqueuse de diamants. Au fond du tiroir de mon gant. Je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants. Je suis la roqueuse de diamants. Au fond du tiroir. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. In our Chicago wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station. Simplement mes commissions avec The Artisio. Et puis donc juste après Forever. Close my eyes and look around. Take a glance at me. To you. Can you hear what is the message? I can feel and breathe it in the air. Now the word is you. Once in a while you hear a corrida, la masa de tono. Now in New York I sing it for you. Oh, oh, oh. We're back, but if you can't wanna lose what I'm going. But you're like, you know, the big bang is like, oh, oh, oh. The world is you and you are my worker. The world is you and you are my worker. The world is you and you are my worker. The world is you and you are my worker. The world is you and you are my worker. The world is and you are my world. I wanna know. s'appelle tout simplement Lara Fabian avec J'y crois encore, et juste après du Portugal les chansons, et on se retrouve juste après. Plus vraiment spécial, un amour de la femme. Para C'est ça que c'est bon. Mais que des gars qui t'attendent, ils sont pas sempre bon. C'est ça que c'est bon. Un concertina tout caille, le pauvre tout le reste. C'est ça que c'est bon. Mais que des gars qui t'attendent, ils sont pas sempre bon. C'est ça que c'est bon. Un amour de la femme.

tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Kenji Girac avec Mi Amor. Arrivé sans lui dire bonjour, elle a pris un verre sans le bras. J'ai bu un verre pour lui faire la peau. Je suis le bienvenu nulle part. C'est ma lumière, je suis son abat-jour. Dans sa fourmilière, j'y ferai un séjour. J'y remets la terre pour trouver l'amour. Mi amor, mi amor, mi amor. Dis-moi tu m'aimes, maman. Mi amor, mi amor, mi amor. Dis-moi tu m'aimes, maman. Dis-moi tu m'aimes, maman. À l'entendre, on s'entendrait pas. Tout ce qu'elle désire, c'est tout ce que j'ai pas. Je serai là où elle s'attendra pas. Avec une bague prête à saisir son bras. Je ne suis pas celui qu'elle le croit. Quand je te vois, cherche au canapé. Je t'offre mon toit, mon cœur est à toi. Écoute-moi, dépensez ma voix. Mi amor, mi amor, mi amor. Dis-moi, tu m'aimes, maman. Mi amor, mi amor, mi amor. Dis-moi, tu m'aimes, maman. Dis-moi, tu m'aimes, maman. Mia, mia, mia, amore. Dis-moi, tu m'aimes, maman. Mia, mia, mia, amore. Dis-moi, tu m'aimes, maman. Dis-moi, tu m'aimes, maman. Je pense qu'on a trop fait tant d'efforts pour être ton associé. Partout je parle d'elle sans dire ce que je veux. Ressens pour elle, pourtant c'est tout ce que je veux. Parti de rien, j'ai pas le temps de souffler. Tu pars de même pas le temps de t'essouffler. Donne-moi ta main que je t'offre ma vie. Dis-moi tu m'aimes, maman, mais pour la vie. Mi amor, mi amor, mi amor. Dis-moi tu m'aimes, maman. Mi amor, mi amor, mi amor. Dis-moi tu m'aimes, maman. Dis-moi, tu m'aimes, maman. première radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc un petit coucou tout simplement à la chronfette, disons à Véronique. Voici donc Céline Dion et puis suivi de Goldman. Will you go on when I'm deep inside? Whatever. salut, que tu m'accordes enfin la chance de pouvoir tenir dans mes bras un jour celle qui saura allumer le feu de mes

Arc-en-ciel, un amour de FM. Tout simplement Cœur Pirate avec le titre Oublie-moi et puis suivi de Cyril les Minitaines avec Coucou c'est parti. Thank you. serpentin. Pour la ronde et ta peau dans nos mains. Autour de Rachel qui remue les seins. Ton tour et le monde distribue le jasmin. Oublions demain les factures, les chagrins. Des élus, le gaston, fait sauter les bouchons. Le bon nous verre est trinquant. Vas-y, la zizbe, tombez la risa. Il y a Mémé et Pépé qui se sous les pieds. Il y a Sylvain et Lucien qui parlent du magasin. Et Mato et Jojo qui se gavent de gâteau. Les enfants de Sophie se battent au compétit. Il y a Mireille qui surveille ta vie et sa boutte. Et Régis, la malice qui vote la journaliste. Allez, à vous les filles. C'est quoi la vie? Le monde de la vie, c'est ça. Un amour de la femme. Voici donc Charles Aznavour, rendez-vous à Brisella. Le cœur du Brésil s'élance dans un carnaval immense. Tout le pays est en transe, rendez-vous à Brasilia. Aujourd'hui c'est jour de fête, c'est un long cri de conquête qui résonne dans nos têtes, rendez-vous à Brasilia. Que l'on soit pauvre ou bien riche, croyant Dieu ou les fétiches, c'est la joie que l'on affiche de Rio jusqu'à Bahia. On a refermé les églises et la foule se déguise pour s'amuser à sa guise. Rendez-vous à Brasilia. Du marché à la chapelle, les plazas jusqu'aux ruelles, on s'appelle, on s'interpelle. Rendez-vous à Brasilia. De toutes parts la joie fuse, les gens rient, les gens s'amusent, les chanteurs trouvent leur muse. Rendez-vous à Brasilia. Danse joyeux tintamarre, de cuicasse et de guitare, danse des masques bizarres, frappant le sol de leurs pas, et les confettis en cascade, tombent sur les mascarades, l'amour est en embuscade, rendez-vous à Brasilia. Bras au ciel, on s'abandonne, mais que Rio nous pardonne, si déjà ce cri résonne, rendez-vous à Brasilia. Non, ce n'est plus un mirage, qui est prêt pour le voyage, Carioca fait des bagages, rendez-vous à Brasilia. Oh samba, samba légendaire, toi le sang de cette terre, vers la ville de lumière, demain tu nous conduiras, que l'amour brûle dans nos veines, que la danse nous déchaîne, pour la folie brésilienne, rendez-vous à Brasilia. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. La Gitane avec Félix Gray. Et puis donc, juste après Inner City, Cool Live.

donc il est 16h55, et bien voilà, donc et bien l'émission touche à sa fin. Voilà donc, on va se dire bonsoir à tous et à toutes. Et se retrouver prochainement. Voilà donc, et bien, je vous souhaite de passer bonne fin d'après-midi, un bon week-end, et je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Says dude.